Deuxième partie, au café du coin. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Vous êtes essoufflé? J'ai couru pour être à l'heure. J'ai eu peur de manquer sport dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe? La télévision ne marche pas? N'est pas encore l'heure. Quelle heure avez-vous à votre montre? 8 heures. Vous retardez? Non, ma montre ne retarde jamais. Au contraire, elle a tendance à avancer. Il faut demander au patron de mettre la télé. Il y a un télé 7 jours sur la table là-bas. Allez le chercher. C'est le bon numéro? Il y a la date sur la couverture.